Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour toute la famille. Fidèle à la tradition familiale, Maggie rêve de devenir pilote automobile. Mais bien qu'elle ait ça dans le sang, son père, le légendaire Ray Payton, ne veut pas qu'elle s'engage dans cette carrière beaucoup trop dangereuse. Pour fêter son diplôme, Ray propose cependant à Maggie de lui offrir une voiture et l'emmène la choisir à la casse. La jeune fille qui rêvait d'un bolide a un véritable coup de cœur pour une coccinelle. Prenez soin de Choupette, quel que soit votre problème, elle vous aidera à le résoudre. Super, une voyante traction avant. C'est complètement dingue! J'ai l'impression qu'on se comprend. Choupette n'est qu'une voiture. Voyons ce que t'as dans le ventre. Ça rigole moins maintenant. Elle m'a fait un clin d'œil. Choupette, trop jeune pour toi. Cette bagnole est vivante. Elle se moque de moi, regardez. Elle vient de recommencer. La coccinelle revient, les nouvelles aventures de la fabuleuse Choupette, une comédie avec Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon, un DVD Disney.